Il ne nous reste rien pour faire. Nous voulions encore de ce bonheur brûlant, de ce feu tout noyant, de ce bonheur brûlant, brûlant. Notre histoire est belle. Pleurer, notre histoire est belle, amour, pleurer d'amour. Thank you.